diable riait et l'autre ici, cher oiseau de malheur. Par la porte aussi bien que votre ivrognerie, j'aime si grand frère. Comment ce mistral est merveille? Venez vous me mettre en bouteille. Cher hôtel de j'imagine. Notre ami Wilhelm, que voilà.